nombreux. On se dira plus largement du monde, mais attends, voilà, ce qui est arrivé après. Alors, du mot que j'ai réuni à ma droite, un vieux copain, il y a 40 ans qu'on se connaît, ça m'en donne plus, parce que combien de temps les éditions ATL ? 40 ans ? Non, pas encore. Pas encore, sinon tu as fait à peu près ça, oui. Et c'était avant. 15 par là. Voilà. Alors, c'est quand même remarqué que les éditions Atelier de création libertaire à Lyon sont la plus ancienne des éditions anarchistes et la plus ancienne des éditions anarchistes. Bien sûr, je ne compte pas le Dans Spartacus qui n'est pas spécifiquement anarchiste, mais plutôt. Il y a des ouvrages anarchistes, il y a beaucoup d'ouvrages conseillistes, du genre d'ouvriste, etc. Donc je ne vois pas la catégorie des éditeurs anarchistes. Il y en a eu très peu avant qui ont vécu peu de temps. Le Nas, par exemple, qui a la place, la tête de feuille, je crois que c'est le nom des congrès, Plasma aussi, etc. Ça dure un an ou deux ou trois, mais aucune n'a duré aussi longtemps pour l'instant que la CL. Ah, salut. Alors ça mérite quand même d'être salué au passage. Nino va vous présenter en particulier le livre qui est debout là, sur la presse alternative, qui est sorti il y a peu de temps. Mais éventuellement, vous parlez de l'ensemble du problème des éditions libertaires, des éditions de l'ACL, pardon, excusez-moi. Et les différents ouvrages qui sont là, certains sont de lui ou avec sa collaboration, ou récents. Et donc, je vais lui passer la parole, parce que c'est lui qui va vous poser de ça beaucoup mieux que moi. Merci. Merci d'être venu. Plus fort. De si loin. Ça ne va pas être vraiment une conférence sur la presse alternative. On va essayer de peut-être de voir ensemble de quoi on parle quand on parle de presse alternative. Et je vous parlerai effectivement de ce qui s'est passé autour de ce livre. Puisque donc, ce livre, la presse alternative, c'est le résultat d'un colloque qu'on a organisé en début de 2012 à Lyon, suite à une exposition que l'on a organisée, le CEDRA, du coup c'est mon autre casquette, le CEDRA c'est le Centre de Documentation et de Recherche sur les alternatives sociales, donc c'est pas comme le CIRA, nous n'avons pas l'étiquette anarchiste, un centre alternatif sur toutes les alternatives sociales. Et on avait effectivement organisé une exposition qui s'appelait Entre la culture de l'émancipation et les chemins de l'utopie, concernant ce qu'on peut indiquer comme étant. Comme relevant de la presse alternative à Lyon et dans sa région, à partir des années 1960 jusqu'à donc très récemment. Ce qui est intéressant dans cette histoire de la presse alternative, c'est qu'on a l'impression qu'il y a peu de choses où elles sont rares, où elles sont peu connues ou qui ne durent pas longtemps. Déjà, comme il vient de dire mon ami, et c'est vrai qu'il y a des choses qui durent longtemps, comme notre maison d'édition, l'Atelier de création libertaire, depuis 1979 déjà. Et c'est pas rare qu'on retrouve des revues qui sont déjà passé le cap de 20-30 ans d'existence. Mais avant tout, comment on peut définir la presse alternative? En fait, la presse alternative, ce serait une presse qui n'est pas liée aucun parti, aucun groupe politique directement, qui est plus ou moins autogéré par un groupe de personnes qui fonctionne plus ou moins avec le bénévolat, grâce au bénévolat, et ça relève souvent d'un projet collectif. De cette presse-là, par exemple, là, quand on va dans une gare, on va dans le kiosque, on en trouve déjà un certain nombre qu'on peut, on peut considérer comme relevant de cette démarche-là. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, que c'est un journal local là, qui n'est pas loin. Fakir, qui est un journal qui se fait à Amiens. Est-ce que Charlie Hebdo fait partie de la presse alternative, ça pose... Il l'a fait au début, en tout cas, c'est sûr, mais maintenant, on peut en douter. Ciné mensuel, article 11, la décroissance. En fait, dans n'importe quel grand gare, on trouve des revues qui relèvent un peu de cette démarche dont je viens de vous parler. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui ne sont pas dans les kiosques. Et par exemple, toutes les revues qui reçoivent la revue Silence, que c'est une revue écologiste, elle aussi, qui n'est liée à aucun parti, aucun mouvement, qui est gérée par un petit groupe et qui vit depuis 30 ans, cette revue-là reçoit en échange de presse une centaine de revues, de petits bulletins qui sont publiés en France notamment, mais aussi dans d'autres pays en langue en français. Et ce qui montre en réalité, c'est que la presse alternative, elle est assez vivante et vivace. Elle s'occupe de beaucoup d'arguments. Il y a naturellement les aspects politiques, mais il y a l'écologie, le féminisme, la prison. Il y a toujours plein de thèmes qui font que les alternatives sociales dont il est question, elles embrassent un peu tout ce qui permet de penser à une émancipation et à des formes d'utopie pratique et pas simplement idéale. Après, à côté de cette presse alternative, il y a une autre presse qui est une presse militante. Est-ce que, naturellement, elle fait partie de ce monde alternatif, mais par exemple, la presse anarchiste, il y en a beaucoup. Comment la définir? Est-ce qu'il faut qu'on la classe dans la presse alternative ou elle fait partie d'un mouvement politique? Disons que la démarche de nombreuses revues, vu qu'il y a des réfractionnistes là, des revues comme Réflexion, naturellement, elles sont faites par un collectif avec un bénévolat, elles ne sont pas liées à aucun structure anarchiste précise, et donc selon moi effectivement elle relève de la même manière que ces autres revues un peu de cette démarche alternative dans le monde de la réflexion, mais ce n'est pas la seule. Naturellement il y a plein d'autres, il y a une revue qui s'appelle Z, je ne sais pas si vous la connaissez, hein. Là aussi on se retrouve un peu dans cette même démarche de réflexion sur l'action, c'est un peu différent, après chaque revue a ses caractéristiques. Mais là aussi, on se retrouve face à des publications qui maintiennent un niveau de réflexion sur l'actualité ou sur les théories qui sont importantes et très vivaces elles aussi. À côté, après, des revues comme Le Monde Libertaire, Courant Alternatif, les revues de la CNT, etc. Le monde de la presse militante, il est très important aussi. Mais c'est difficile pour certaines d'entre elles de pouvoir de leur donner cette étiquette, parce que souvent certaines d'entre elles maintiennent plutôt un cap idéologique, alors là c'est un Pour moi, c'est un peu difficile de savoir comment les considérer parce que du coup, il y a quand même un peu de langue de bois. Est-ce que la langue de bois, c'est l'alternative ça? Je ne sais pas, mais c'est une vraie question. À qui tu penses, hein? À tout, même, carrément, mais même que ce soit Mon Libertaire, pour Alternative. Alternative Libertaire, il n'y a pas un seul journal militant qui n'a pas un petit peu ou beaucoup de langue de bois. Donc, reste à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comment entretenir des rapports avec cette presse alternative qui est important non seulement parce qu'elle s'intéresse à des thèmes différents, mais qui a des rôles intéressants dans des villes, comme par exemple la revue Postillon à Grenoble. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une revue assez récente, 3-4 ans, mais c'est une revue qui s'intéresse activement à ce qui se passe dans la ville. C'est la contre-information locale. Je ne pense pas qu'ils ont eu un rôle pour l'élection du maire écologiste, mais ils maintiennent fédère, disons, celles et ceux qui sont actifs dans les milieux libertaires, alternatifs, révolutionnaires, contestataires. Et en fait, ça paraît étonnant, mais ils arrivent à avoir 1000, 2000, 3000 lecteurs et avoir un poids dans le quotidien d'édition de Grenoble. Il y a quelques temps, France Info, il le citait pour les informations qui venaient de donner. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la presse alternative, elle est plus que existante. Il y en a beaucoup, vraiment, sauf que, effectivement, on ne peut pas les suivre. Bon, est-ce qu'on peut s'abonner à Fakir? Est-ce qu'on peut abonner ce qu'il faut dire? Est-ce qu'on peut s'abonner à l'article 11, la décroissance, silence? Est-ce qu'on peut suivre toutes ces revues? C'est pratiquement impossible. Alors chacun va choisir un peu les secteurs qui l'intéressent et tout ça, ça permet de maintenir vivant ce que j'appelle l'imaginaire alternatif, c'est-à-dire que depuis la fin des années 60 et début des années 70, il s'est créé à côté des groupes traditionnels politiques qui prônaient toujours l'idéologie marxiste, anarchiste, etc. Il s'est trouvé des groupes qui ont commencé à réfléchir à une action sur le quotidien, une action sur des thèmes très précis, et c'est à partir de là qu'ils sont construits et qu'ils sont développés des mouvements sociaux autour de l'écologie, les prisons encore une fois, les femmes, le travail, l'école, etc. C'était toutes des activités peut-être spécifiques, précises, mais qui ont élargi une façon de penser le monde d'une manière, donc du coup, alternative, au-delà et peut-être un contre-courant de ce qui était l'imaginaire vertical des partis politiques, y compris des anarchistes qui pensaient toujours et qui pensent parfois encore à la révolution comme un mouvement du bas en haut. Ces petits groupes, ces petites revues ont commencé à proposer un imaginaire de horizontal de participation directe. Du coup, c'est pas simplement un mot comme ça, la démocratie directe, mais c'était vraiment une pratique liée à une façon d'agir dans le quotidien de des gens, mais qui visait une activité précise, une problématique, et qui devait être prise en compte par les personnes concernées d'abord et les autres qui se sentaient proches de cette question-là. Petit à petit, je crois que c'est créé un mouvement, ce qu'on peut dire un mouvement alternatif, qui a mis en place plein de structures qui, du coup, ont créé des projets concrets, je ne sais pas, encore des revues, des radios libres, des saltes-garderies, des garderies pour enfants, des restaurants, etc., qui, du coup, ils se sont donné les moyens de vivre dès aujourd'hui ce qu'on espère vivre tous un jour, soit l'anarchie, pour ceux qui veulent toujours l'anarchie, soit une démocratie participative réelle. Et je crois que c'est ce qui est intéressant dans cette histoire de presse alternative, c'est qu'il y a eu toujours ce lien entre l'envie de changer le monde en général et les pratiques quotidiennes. C'est pour ça que dans ce colloque qu'on organisait, on s'est intéressé donc à cette culture de l'émancipation et le chemin de l'utopie qui prend des voies très diverses, qui ne sont pas tous alternatives à 100%, parce que on peut, par exemple, se demander si le monde diplomatique, c'est un journal alternatif ou pas. Une des questions qui est intéressante, c'est quand un journal n'a pas vraiment de publicité. Même le Canard enchaîné n'a pas de publicité. Est-ce que c'est un journal alternatif? À l'origine, oui. En 1915, oui. Oui, non, mais aujourd'hui le Canard enchaîné représente toujours un journal indépendant. Et cette indépendance, ça fait partie d'une démarche qui peut nous permettre d'avoir une critique sur le monde et sur soi-même qui crée vraiment des espaces de réflexion alternative, des espaces dans lesquels tu te dis mais on n'est pas obligé de tenir compte de l'imposition par exemple des aspects économiques. Et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les discussions qu'on a eues, puisque effectivement, dans nos curseurs qu'on peut établir pour indiquer si une revue, un bulletin relève de l'alternative ou pas, il y a ce que je disais tout à l'heure, que cette indépendance des partis politiques, des associations politiques, cette démarche collective. Il y en a dans plein de revues comme ça, le curseur il est plus ou moins arrive à 80%, à 40%, à 20%. Ce qui est important, c'est voir la dynamique. Et la dynamique, elle commence par des journaux lycéens et ça finit effectivement à des journaux comme Actuel, au début de les premières publications où on voyait qu'il y avait des propositions de cette pensée un peu hippie américaine liée à la poésie, liée à la Beat Generation, mais elle a eu un rôle important, ne serait-ce que même d'un point de vue graphique à l'époque, puisqu'il a mis plein de couleurs partout, c'était un peu le bordel, mais un bordel organisé, qui a fait si que d'autres revues, d'autres petites revues ont pu se mettre en place, d'autres revues ont pu créer leur petit sillon par-ci, par-là, et développer cette culture alternative qu'aujourd'hui, je répète, elle est très importante, et on la retrouve un peu partout. Euh, ce qu'on peut rajouter, mais peut-être c'est ensemble qu'on est, c'est simplement que la nouveauté aujourd'hui, c'est que la presse alternative, elle s'est déplacée aussi sur les blogs, sur les sites, pour ne pas parler des radios ou des tentatives de télévision. Est-ce que les blogs, les sites font partie de la presse alternative? C'est toujours des textes, c'est toujours de l'information, ce n'est plus du papier, mais ils commencent à avoir un rôle important. Et la question, c'est qu'on n'arrive pas à savoir comment les suivre, parce que chacun, presque individuellement, on se fait un blog, et chaque structure a un site. Et là, il y a une myriade de propositions. Et là, pour l'instant, on a des difficultés à savoir si tout ça, ça permet, comme la presse alternative, d'avoir un lien direct avec ce qui se passe dans le quotidien, ou ça reste un peu, je ne sais pas comment dire, c'est un peu dans la sphère de la pensée, simplement, je ne sais pas, moi je n'arrive pas personnellement malgré que je fais un blog, mais surtout d'images, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe, et pourtant il y a plein de choses intéressantes. Sauf que je n'arrive pas personnellement à les suivre, mais peut-être vous avez une autre opinion. Et donc, il faudrait maintenir vivant plutôt la presse alternative papier, qui est un instrument qui me semble un peu plus humain. Mais ça, je ne sais pas si c'est votre opinion ou pas. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Après, on peut débattre pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre opinion sur la presse alternative, votre définition. Par rapport à ce que tu disais, par rapport au support papier et au support numérique, difficile d'archiver du support numérique. Par exemple. Au support papier, on est habitué, on fait ça régulièrement, mais sur en numérique, on peut archiver aussi. Hein. Sauf qu'un blog, il change tous les trois jours. Avec ah là, je ne parle pas d'archiver un blog, je parle d'archiver un document ou un journal qui paraît. C'est pas faisable. Mais si, c'est le cas ici. Moi, ici, on archive un tas de documents numériques. Oui, mais pas un forum. Ah non, mais ça, c'est autre chose. On parle de presse. Ben, c'est aussi des idées qui travaillent. Je ne sais pas si on parle plus de. Quand tu présentes ton truc, le mot là. Moi, j'entends plus la communication alternative, parce que le mot presse, d'une génération, on est plein à y être là-dedans, on est né avec le papier, on y est sans doute attaché, et c'est vrai qu'à côté, il y a des blogs, il y a plein de choses, il y a des revues aussi libertaires ou pas, d'ailleurs, hein, qui sont sur le net exclusivement, qui sont en ligne, et qui, à mon avis, c'est pour ça que le mot presse, bon, il y a eu un blog là-dessus, peu importe, mais je pense qu'il faut je dirais plus la communication alternative. Que la presse, c'est réducteur. Moi, la presse, ça me va bien, je suis comme toi, les blogs, je ne suis pas bien, machin. Mais cela dit, il faut en tenir compte, parce que même si c'est des parutions éphémères, il y a quand même de l'idée et de la résistance qui travaillait comme ça. Est-ce qu'une différence aussi, ça ne peut pas être qu'une presse, elle doit nécessairement être informative, nécessairement une information qui passe, alors qu'un blog, ça peut être simplement une opinion. Et que, bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de presse d'opinion et de moins en moins d'informations, mais c'est plutôt une dérive. C'est plutôt une dérive, le fait qu'il y a de plus en plus d'opinions. Mais sur les blogs, et même sur les forums, plus d'opinions que d'informations, quoi. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de critère, quand même, pour dire si c'est de la presse ou pas? Oui, non, mais les deux, effectivement, les deux marques sont intéressantes, c'est dans le sens que c'est de la communication, mais là, le mot presse, c'est effectivement parce que là, on l'a utilisé. C'est le support papier, etc. Mais oui, pour moi, la différence, effectivement, c'est que l'information, du coup, ça devient l'information et la critique sociale, ça ne peut pas être, je me réveille le matin, J'ai entendu un truc et j'écris mon sentiment. C'est relève plus de la poésie, et j'en fais aussi, mais c'est de la poésie. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant dans la presse alternative, dans les journaux, et du coup, dans les sites collectifs, si on peut dire, parce que plus que le blog, c'est plus, voilà. On a des amis qui se lèvent le matin, disent, oh, j'ai écouté, il y a un camarade, 86 ans, 7 ans, je ne sais pas. Il a vécu toute sa vie, il a fait l'ingénieur, et après la fin de sa vie, maintenant il s'est approché un peu d'un milieu libertaire, il vient au centre où je travaille, etc. Et c'est vrai, maintenant il a envie de faire plein de choses dans la vie, et notamment il écoute une information le matin et il donne son opinion. Mais c'est une opinion, du coup, vraiment simplement personnelle, il n'a pas l'air faire des recherches. Alors que dans les revues, dans la presse, cette revue dont je vous parlais, le Postillon, mais si je parle de la revue Silence, encore la décroissance, ce qu'il faut dire, Fakir, etc., ce sont des gens qui font des enquêtes. Et c'est pas simplement une opinion personnelle, c'est un vrai travail d'enquête, de contre-information. Et c'est ça qui donne un rôle à cette presse, et lui donne une force parce que quand on veut trouver une autre information, un autre point de vue, il y a toute cette ribambelle de revues qui peuvent nous stimuler, qui nous donnent beaucoup d'informations. Si on prend Silence, que je connais bien, il y a la quantité de petites informations sur telle et telle activité dans telle et telle région, et c'est énorme, c'est extraordinaire. Sauf que, effectivement, après, la question c'est qu'elle touche simplement des gens qui sont sensibles, des gens qui veulent s'engager, et du coup, le côté faible de la presse alternative, c'est que. N'utilise pas le langage utilisé par la presse qui est faite pour être lue par des millions de personnes. Et là, c'est le problème général que le monde des alternatives n'a pas réussi à créer des situations où. Des pratiques alternatives arrivent aussi à être vécues par un nombre de personnes plus important, encore que à la Croix-Rousse. Se passe toujours des choses intéressantes comme les dernières élections. En fait, dans la difficulté que tu mentionnais de définir, enfin catégoriser la presse, donc presse écrite, hein, sur le presse écrite, en alternative ou pas. Je pense que le problème, c'est que le mot alternative, il recouvre trois concepts, c'est-à-dire indépendance économique, indépendance par rapport à des structures politiques et contestataire. Et du coup, je pense que c'est une tâche quasiment impossible. Alors, soit on dit il faut les trois à la fois et on est alternatif, soit on dit celui-là est plus ou moins, comme tu l'as dit, 80%, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de caractériser les choses avec une seule étiquette, c'est-à-dire qu'on pourrait pour chaque organes de presse tenir les compteurs différents quoi. En connaissant avant de lire un journal d'une part qui le contrôle politiquement, qui décide du message qu'on met dedans, puis savoir s'il apporte un éclairage différent de ce dont on voit dans la presse à grande diffusion. Et puis la troisième chose, c'est effectivement si on a ces deux qualités là mais qu'on est contrôlé économiquement par la publicité ou par on ne sait pas qui, ça peut être un problème. Oui, je suis d'accord. Sauf que ce qui nous paraît intéressant, après, c'est un choix, c'est de dire la presse alternative, c'est quand on conceptualise un truc, on se crée son concept. Voilà, donc là, on crée le concept un peu de la presse alternative pour rendre compte, en fait, de la pluralité du phénomène. En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est que si on va de, je n'ai pas encore cité, de la revue alternative économique, qui propose une réflexion sur l'économie, mais effectivement, on ne sait pas bien le curseur où le mettre par rapport à cette revue-là. Parce que de plus en plus, c'est peut-être l'économie dure ou l'économie moins proche des initiatives locales, alternatives, que sur une réflexion sur la macroéconomie, je ne sais pas. Mais quand même, il y a des éléments de réflexion, de critique sur l'économie qu'on peut prendre en compte. Et dans des revues comme celle-ci, des revues, il y a quelques années, il y a une revue, je ne me rappelle plus le titre, qui voulait faire une critique de l'économie totale, mais c'était contre l'économie, je ne sais pas quoi, je ne m'appelle pas le titre. Mais c'est vrai qu'on est de cet espace très loin, sauf que les deux se nourrissent. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'alternative économique, il n'y aurait pas un certain nombre de gens qui vivent dans le monde de l'économie qui, de temps en temps, se disent ah, mais peut-être il y a des chemins qu'on peut prendre. Et s'il n'y avait pas des revues radicales, complètement radicales, utopistes, si tu veux, on aurait le sentiment qu'il n'y a pas d'espace pour la critique radicale. Moi, je pense que, en général, les changements sociaux, ils viennent par ces deux biais-là. Il n'y a pas que le truc précis, une vision très précise, contestable peut-être, d'alternatives économiques, si on prend l'exemple-là, et la critique, mettons, des anarchistes fous qui disent ouais, mais il faut tout détruire parce que simplement le jour où on a tout détruit, ça avance. Moi je pense que, vu qu'on est là, que de ça pour faire ce livre qu'on a dû payer, il y a des gens qui fabriquent le papier, j'ai pris le train et ça coûte un peu d'argent. Vu qu'on est dans cette situation, le changement et cette culture de l'émancipation, de l'échelon de l'utopie, et ils peuvent aller de l'avant, ils se nourrissent l'un de l'autre. Et donc, c'est à nous, après les lecteurs, de trouver dans chaque revue des éléments qui peuvent nourrir l'une et l'autre. Mais effectivement, il faut toujours après faire attention. Est-ce que le journal, si après, je vais faire une étude sur le journal Alternative économique, est-ce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le projet politique? Parce qu'il y a toujours quand même un projet politique. C'est à chacun de le voir. Et les lieux comme ici, les débats qu'on fait, ça permet un peu d'éclaircir les choses. Mais je pense que ce serait utile de ne pas... par exemple, on a fait un débat sur le monde diplomatique. Après l'intervention de la personne, une fille, je crois, quelqu'un a dit, oui, nous, mais le monde diplomatique, derrière, il y a de l'argent, etc. Oui, mais, sauf que... y a-t-il dans le monde diplomatique des informations qui permettent de réfléchir, qui permettent de ça? Elle dit non. Mais c'est déjà pas mal. Mmh. Et si on trouve des éléments de réflexion, des informations sur des livres ou des revues, mais c'est le curseur, on peut le mettre à 15, 20. Mais ça, ça permet. C'est-à-dire, il faut. Je ne ferai pas. Comment dire, je ne mettrai pas l'un contre l'autre. Mon intention était exactement le côté. Mon intention, c'était de dire, premièrement, c'est impossible de mettre un label parce qu'il y a plusieurs dimensions. Et donc, il n'y a pas un label alternatif. Ça recouvre plusieurs concepts. Et deuxièmement, quand bien même il y aurait ces trois dimensions, ben, chacun se retrouve à un différent degré. Mais mon intention était précisément de dire que peut-être que la question qui avait l'air d'animer une partie de ton débat, qui était comment définir la presse alternative et à quel moment on dit que c'est alternatif ou pas. Peut-être que c'est pas le débat essentiel. Par contre, le fait de savoir comment les journaux vivent, ce qui m'a frappé, c'est que quand tu as parlé du Canard Enchaîné, tu as dit avant c'était la presse alternative. En fait, j'ai pas compris quel était le critère, parce qu'après vous avez dit il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Alors quel est le critère dans tout ce que vous avez dit qui fait que vous pourriez ne pas le considérer comme la presse alternative? C'est tout public. Non, mais si je pose le curseur sur le bénévolat, par exemple, effectivement, les journalistes et même tous les employés du Canard Enchaîné ne sont pas bénévoles. Et loin de là, ils gagnent très très bien leur vie. Oui, puis il n'y a pas l'Assemblée nationale qui est le journal de mercredi, donc il y a peut-être vis-à-vis du public une réflexion à avoir, parce que la presse alternative ne s'adresse quand même pas à tout le monde, alors que le Canard Enchaîné s'adresse spécialement aux gens intéressés par la politique, etc. Il n'y a plus grand-chose d'alternative, parce que voilà, toute l'Assemblée nationale le vit tous les jours. Enfin, tous les mercredis. Moi, il y a quelque chose que je m'intéresse beaucoup à la presse et à la presse alternative en général. Et je pense que tu as peut-être négligé deux types de presse, qui sont la presse professionnelle, parce que tu peux trouver des revues de sociologie totalement subversives, avec des idées très intéressantes dans, je sais pas, Les Périphériques vous parlent, ou Éco-Rêve ou autres, des trucs qui s'adressent à des sociologues ou à des écologues ou à des scientifiques. Et qui sont des journaux à comité de lecture, qui ne sont pas motivés par l'argent, qui ne sont pas contrôlés par un parti, les articles sont écrits bénévolement, donc, mais par contre, ils ne s'adressent pas à tout public. Tu ne vas pas les trouver en kiosque, voilà, tu ne vas même pas, pour t'abonner, c'est difficile, parce qu'il faut déjà avoir connaissance de ces journaux-là. Et puis, il y a aussi les fanzines. Tout le monde un peu punk, do it yourself et autres, et cela est très difficile de rentrer en contact, parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Donc je pense que dans ta définition de la presse alternative, tu devrais peut-être tenir compte du public, parce qu'en fait, tous les journaux que tu as cités s'adressent à tout public. Et bon, je crois que le journal Silence, ça va être 5000 lecteurs, quelque chose comme ça, ce qui est quand même déjà... 4000 abonnés, ça veut dire... 4000 abonnés, 10 000 lecteurs. Bon, c'est ordre de grandeur, quand même plusieurs milliers de personnes, alors que les journaux dont je te parlais pour les sociologues, c'est 100. Ils ont des tirages à quelques centaines d'exemplaires, et dans l'essentiel, ça termine dans des bibliothèques, personne ne les lit. Et les fanzines, c'est pareil, t'as 30 potes qui viennent prendre ton fanzine et ça s'arrête là. Et donc, dans cette définition de fakir, de CQFD ou autre, c'est des journaux qui s'adressent vraiment à un large public. Et ça, peut-être. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, par exemple, Silence, parce que je m'occupe de. Je m'occupe de tous les revues qui arrivent à Silence et je dis qu'il y a une centaine de revues qui viennent, dont effectivement il y a des fanzines. Et bon, effectivement, j'ai pas pris la peine de vous parler de livres tout entier, mais on a fait intervenir une personne qui s'occupe de la fanzinothèque. Ouais. Et il y a quelques années, Silence avait édité une petite brochure qui recensait toutes les revues qu'elle, de la presse alternative. Le Monde Diplomatique fait la même chose sur son site. Et tient une liste des revues qui sont ses sources d'informations alternatives. Entre les moi, je crois que telle marque est bonne. Et d'un côté, donc, il y a un article sur la fanzinothèque, je ne sais plus quelle ville, mais Marie, la fanzinothèque de Poitiers. Et donc, il y a tout un article, toute une intervention qu'elle a fait Marie Bourgoin, qui explique pourquoi ils ont créé la fanzinothèque, les difficultés de maintenir une mémoire sur la fanzinothèque, et cette spécificité dont tu parles des fanzines, qui est à la fois extrêmement intéressant comme phénomène, parce qu'il y en a partout. Et du coup, s'il y a 30 personnes, mettons, dans chaque quartier, ça fait plusieurs centaines de personnes. Mais en même temps, après, je trouve que c'est dans les fanzines, il y a beaucoup d'idées nouvelles aussi. Et souvent, ça passe aussi par là, des petits trucs un peu bizarres, comme ça peut paraître bizarre dans un premier temps. Et qui sont lancés par ces fanzines. Donc c'est tout à fait exact. La seule chose, après, sur les fanzines, c'est que les fanzines, c'est un peu comme des blogs, parfois. C'est-à-dire qu'il y a parfois, il y a quelqu'un qui a envie de se faire un fanzine, surtout maintenant avec la possibilité et qu'on a avec les ordinateurs, les scans, etc. Ils prennent des photos, quelques images, ils les mettent ensemble. Du coup, c'est pas forcément tous les fanzines intéressants, mais c'est vrai que les fanzines comme instrument, comme c'était les tracts avant, comme c'était des petits bulletins, ça fait partie pour moi de cet ensemble. J'essaie pas de, je répète, mais c'est intéressant, j'essaie pas de les classer, j'essaie pas de dire voilà, estampillés, mais j'essaie de dire que ça fait partie de la démarche, de cette dynamique. Pour moi, ça fait partie de la dynamique, de la recherche, de la proposition. Et de même que, effectivement, après, il y a des revues de sociologie, de sciences, etc., qui sont extrêmement importants. Et là aussi, on parle d'une revue que, je ne sais plus exactement, mais il y a Interférence, par exemple. Il y a plein de revues qui ont été faites par des universitaires, qui ont été faites dans cet esprit-là, d'une contre, je ne sais pas contre science, mais une critique de la science. Là, il y a un livre qui vient. C'est le livre de la chaise, parce que tu vas. Ah, François Long, par cœur. Tu vois ce que tu peux trouver avec ça sur la tête, là. Là, il y a un livre qui vient de sortir à l'Échappée Belle, qui parle d'une revue, Libre et survivre, une revue. C'était une revue ancienne, mais justement, c'est les premières revues écologistes, même la première, je crois. Qui va dans le sens que tu dis, que c'est extrêmement important. Ouais. Mais si ça t'intéresse, tu peux regarder un site web qui s'appelle Entre Revues, qui recense 3000 revues, ouais, à caractère professionnel en général, et c'est trié par thème, donc si tu t'intéresses à certains, voilà, Entre Revues, c'est pas mal, pour avoir accès à des revues professionnelles. Parce que le monde de l'édition est vraiment très très large. C'est pas les 200 titres qu'on a dans un kiosque Hachette pour ne pas nommer, quoi. Mais il faut aller vers cette information parce que sinon, elle est réservée à des cercles professionnels. Donc il y a quelques portails comme voilà, revue.net, entre-revue.org, des choses comme ça, qui permettent d'avoir accès à... Alors, tu n'as pas accès au contenu. Et t'as un petit résumé de qu'est-ce que fait cette revue, et c'est trié par thème. Après, il y a aussi sur Internet, un portail qui lui permet de visualiser le contenu de la revue. Mais j'ai oublié le nom de ce portail, je suis désolé. Et après, pour ce qui est des blogs, je ne sais pas si tu utilises ce genre d'outil, il y a un outil qui s'appelle NetVibes, qui est un agglomérateur de contenu. Donc, c'est-à-dire que tu vas demander via cet outil d'aller voir sur les différents sites que tu fréquentes habituellement s'il y a des nouveautés. Et ces nouveautés sont remontées vers toi sur ta page. Donc, du coup, tu n'as pas à aller ouvrir tous les sites tous les jours pour aller voir s'il y a quelque chose de nouveau sur le blog de machin, parce que c'est vrai que sinon, voilà, c'est humainement impossible. Ça, c'est intéressant. Mais avec un, pour l'archiver. Voilà, avec un agglomérateur de contenu. Alors, c'est Google Reader, mais c'est aussi NetVibes. NetVibes, qui est une société française, il me semble. Et NetVibes, tu vas agglomérer ce qu'on appelle des flux RSS. Et donc, tu construis tes flux RSS en allant sur un site, par exemple, qui s'appelle Page2RSS, qui fabrique une page HTML, enfin, qui fabrique un flux HTML, un flux RSS à partir d'une page en HTML. Donc, il va aller voir pour toi si le site a changé. Et si le site a changé, il te fait une brève qui apparaît sur ton portail. Après, sur ta page, tu mets 50 blogs et tu vas cliquer voilà, sur le titre qui t'intéresse parce que tu as un petit... bref, ça te présente tout en résumé, en condensé. C'est une façon de ne pas être submergé par la quantité d'informations. Ouais. Mais là, ça m'intéresse un peu de partager quand, parce que on a parlé de la presse, de la presse écrite avant papier, et les nouvelles médias là, dont vous avez parlé, je dirais plutôt les médias alternatifs. Et ça me rappelle un peu à... Est-ce qu'on peut, par exemple, pour la situation de presse alternative, de plus ou moins, c'est ce qu'on a eu dans ce colloque, là, à mon avis, ça se sent encore un peu les répercussions de 68, même quand c'est dans les années 70-80, c'est un peu encore dans la culture presse après 68. Est-ce qu'on peut parler d'un changement d'air ou même une fin de cycle pour la presse écrite alternative, quand c'est maintenant, par exemple, des jeunes militants, c'est pas évident quand ils ont quelque chose de leur activité qu'ils s'occupent de faire un petit journal écrit. Il passe tout d'abord à l'internet, il fait un blog, il fait un site web, une vidéo. C'est peut-être, est-ce que c'est, à ton avis, un fin de cycle? Comment dans la grande presse, hein, tu vois, tous les bagarres autour de Libération, et toute la presse bourgeoise a un peu le problème avec l'internet ou la réduction des pubs, ce qui n'est pas le cas dans la presse alternative, parce qu'on n'a pas de pubs. Mais est-ce que tu penses que ça affecte toute la dimension de signification qu'a eu la presse alternative écrite? Parce que, à mon avis, les grands débats politiques des plusieurs courants, tout d'abord, quand il y avait des affrontements, des opinions, des choses comme ça, aussi un peu des questions sur des stratégies décisives, tout d'abord, les débats sont été dans la presse alternative. Et est-ce que ça va changer à ce moment-là, à cette ère de changement vers l'Internet, à ton avis? Il y a deux choses. C'est que, d'abord, il y a un phénomène curieux, mais par exemple, si on prend... Il y a un certain nombre de journaux qui sont partis de l'article 11, par exemple. C'était un journal qui s'était fait simplement en Internet. C'était article 11.info. Et maintenant, ils ont fait le journal papier. Parce qu'ils se sont rendus compte, et je pense que beaucoup se rendent compte, que les débats sur Internet, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'informations, effectivement. L'information, elle est importante. Ce n'est même pas humain de faire la suivre complètement. Mais le débat, il se fait dans des espaces collectifs. Est-ce que Internet représente cet espace collectif? Pour l'instant, je trouve que pour le débat, les débats réels, ils se font dans les colloques, dans les réunions, et lorsque on est confronté à des espaces concrets. Et les revues, encore, parce qu'il y a tout le débat de comment le faire, qui va la faire, qui travaille, les lecteurs, tout ça, concerne davantage ceux qui s'en occupent, et ça fait des vrais débats. Les autres, moi je trouve que c'est des débats qui nous laissent un peu distantes. Oui, bon, ils pensent ça. Et il y a à nouveau, ou de plus en plus, la recherche de débats, y compris par l'écrit. Mais est-ce que ça va se développer? Je dis, si on voyait qu'il n'y avait plus de revues écrites, si on voyait que tout passait par Internet, on pourrait dire que c'était fini. Mais je pense que ça ne peut pas s'arrêter parce que l'écrit fait foi, fait plus fort, fait plus... En attendant, pour la jeunesse, pour la nouvelle génération, hein, ils sont tous détenteurs, auteurs d'une revue. C'est leur page Facebook. Alors, c'est parfois qu'une revue d'opinion, mais c'est aussi parfois des débats très intéressants avec le mur de Facebook, où tout le monde vient échanger sur ce mur. Et ça donne, pour certaines pages, dans certaines thématiques, comme, je sais pas, le street art, par exemple, il y a des gens qui vont échanger sur les pages de machin ou de machine, avec des idées politiques derrière. Et c'est pas juste des délires d'adolescents où j'ai mangé ça ce matin, et puis ma mère m'a dit d'aller me coucher. c'est, ça peut aller beaucoup plus profondément. Et en tout cas, tous ces jeunes qui commencent à 12 ans avec une page Facebook, ils auront 22 ans, puis 32 ans, puis 42 ans. Et leur page Facebook, elle existera toujours. Et leur cercle d'amis vient échanger. Alors si ces gens après sont engagés, etc., ils deviennent éditeurs de leur propre revue Facebook. Oui, mais est-ce que ça a la même valeur? Est-ce que ça a même, Je ne sais pas, mais en tout cas pour ce qui est de la pratique. Oui, mais c'est là que c'est ça qui est intéressant. Mais après, je n'ose pas le condamner, et je ne le pratique pas. Mais je ne sais pas si ça va avoir le même sens. Parce que tu dis qu'ils font la revue, mais c'est des considérations comme ça, personnelles, c'est pas des vrais débats de fond. Où il y a le débat de fond? Parfois, il y a des idées échangées, et puis sur ce mur, tout le monde peut, enfin tout le monde, un certain nombre de personnes choisies par l'utilisateur ou tout le monde, peut laisser des commentaires. Donc il y a matière à des débats quand ça se lance une idée sur une page Facebook. Commentaire chasse l'eau, c'est... Oui, bah oui, évidemment. Oui, puis il y a des millions de pages qui sont complètement futiles. Ouais, mais il y en a quand même quelques-unes qui peuvent... Quand on parle de débat, il y a une différence entre le fait qu'on juxtapose des opinions individuelles qui se croisent très peu ou qui éventuellement se répondent mais élaborent pas un truc commun. Quand on fait effectivement un débat en vue d'élaborer quelque chose de commun, et je pense que c'est la grande différence avec les revues où le comité de rédaction, le collectif de rédaction, ils discutent avant de faire la parution. Et donc déjà, la proposition que la revue fait à ses lecteurs, c'est déjà une proposition complètement discutée, qui est déjà une synthèse d'un débat, etc. Et donc c'est pour ça que c'est plus riche, en fait. Que sinon, après, évidemment, ça peut continuer après la publication, le débat. Mais ça, moi, il me semble qu'il y a une sorte d'ambiguïté, là, quand on parle de débat. Est-ce que, effectivement, la proposition est une élaboration commune à partir d'opinions particulières qui sont déjà modifiées complètement par les échanges collectifs? Ou est-ce que, ben voilà, chaque individu est toujours seul avec son opinion, et seul en face de celle des autres? Moi, il peut dire, je ne suis pas d'accord avec machin, je ne veux pas. Mais, ça n'aboutit jamais à une synthèse, ça n'aboutit jamais à une réflexion plus oui, c'est élaborée. Ce n'est pas le propre d'Internet qui fait que ça interdit la réflexion. Parce que moi, je prends là deux trucs comme exemple, Acrimède ou Arrêt sur image. Ce sont deux trucs qui sont structurés, qui sont organisés, qui sont l'objet d'une réflexion. Ce n'est pas des vieux d'échanges comme ça, d'impression, je pense ça, donc je le livre, etc. Même si ça a sa part, puisqu'après... il y a toujours effectivement, moi j'appelle ça la poubelle, là où chacun va dire ce qu'il veut dedans, et bon, le forum. Ouais. Mais je veux dire, indépendamment de ça, je veux dire, ça ne tient pas au fait que c'est sur papier ou que c'est sur. Moi je crois qu'il y a des alternatives qui se créent en ce moment, et en particulier les outils de l'Internet. Moi je suis mal à l'aise aussi avec les outils d'Internet parce que ce n'est pas notre génération, parce que. Bon. Mais il faut bien avouer qu'il se passe des choses actuellement. Ça ne remplace pas le papier, ça ne remplace pas tout ça, mais il se passe des choses qu'on ne peut pas négliger, me semble. Et moi, j'ai une question à vous poser qui fait partie de notre problématique, mais qui est en dehors. Je voulais savoir si vous avez trouvé facilement un éditeur. Moi, je suis aidé. Aucun problème. Il est son propre éditeur. Non, mais aujourd'hui, la question, elle est assez facile. Ouais. Ce qui est intéressant, après, du coup, Internet, c'est une chose, mais les ordinateurs et tout ça, ça permet facilement de faire une revue, facilement de faire des livres. Aujourd'hui, on peut imprimer un numérique et ça va facilement. On peut éditer facilement des choses aujourd'hui. Et ça ne coûte pas cher. Bon, merci. Par contre, par rapport à ce que tu disais concernant Facebook, moi je crois que justement dans cette multiplication de la communication, en fait, il n'y a plus. Enfin, l'information est simplement tellement diluée. Le côté alternatif il devient très très difficile à voir, c'est-à-dire où est l'alternative dans le fait d'utiliser ce réseau qui met tout le monde en commun de la même manière avec tout. Ça dépend des gens qui détiennent ces pages. Ils utilisent... Moi j'ai pas de compte Facebook, hein, mais je connais des gens qui sont parfaitement engagés de mon côté, hein, on va dire, qui se tiennent au courant via les pages Facebook des uns et des autres et qui s'échangent comme ça des informations à une vitesse que ne permettrait pas la presse papier. Et ça, ouais, c'est un outil d'organisation. C'est pas une presse, c'est un débat en profondeur. Par contre, ce que ça permet parfois, ça donne des débats. Ça touche énormément de gens très rapidement. Et puis parfois, il y a un post qui déclenche un débat, et puis tu as trois pages de commentaires derrière où tout le monde est en train de débattre sur un problème d'éthique. Non, mais on en a eu aussi un bon exemple quand, au moment où il a fallu voter là, sur la Constitution européenne. Je veux dire, il y a un vrai débat qui s'est instauré quand même à ce moment-là. Alors évidemment, il y a de tout. Il y a depuis le type qui dit n'importe quoi. Mais il y a aussi, je veux dire, des trucs qui étaient drôlement structurés, drôlement réfléchis, où il y avait des questions qui étaient posées, des types qui y répondaient. Moi, je crois que c'est un outil, alors qu'on ne peut pas le faire avec une revue, par exemple. La lourdeur d'imprimer un article avant qu'il sorte, etc. Mais c'est deux domaines un peu différents. Une revue, effectivement, il y a un comité de rédaction, donc on a décidé, on va réfléchir sur ça, etc. Moi, je pense quand même que c'est vrai que l'on peut suivre des blogs, il y a aussi des éléments de réflexion. Mais si on veut se former une idée, si on veut suivre quelque chose d'une manière approfondie, mais on ne peut pas ne pas passer par une des revues ou des livres, etc. Mais quand des jeunes peut-être vont faire un livre, qui font être ce qu'ils font aujourd'hui en Facebook, il y a des thématiques qui ne sont pas couvertes par les revues. Je te parlais tout à l'heure du street art. Bon, c'est des gens qui taguent les murs, hein, ou qui mettent des images particulièrement poétiques, hautes en ville. Et ça, bon, il y a une revue ou deux, hein, pareil ton car, ou deux, trois trucs que tu peux trouver en kiosque, mais qui sont tout pourris, et enfin, qui sont pas intéressants. En tout cas, pour les artistes en question, le lieu d'échange ne se fait pas du tout via ces revues-là, il se fait sur des comptes Facebook. De les comptes Facebook de certains artistes, parce qu'eux, ils représentent une tendance, et si tu publies un commentaire sur leur page, et ben ce sera lu par les gens qui sont intéressés par le street art. Bon, moi, le street art, c'est pas ma passion non plus, mais sauf que j'ai un ami qui peint un peu, qui taille un peu là sur les murs, et donc je suis au courant de cette problématique. Mais c'est sûr que si tu t'intéresses à des thématiques politiques ou sociales, oui, bon, bah, c'est pas sur Internet. Hein, je suis pas sûr qu'on peut dire comme ça, parce qu'il y a quand même des livres sur la street art. Oui. Et pourquoi on fait des livres? Parce qu'on a besoin qu'à un moment donné, ces images, le contenu, on puisse prendre le temps de la réflexion. Parce que quand on va sur Internet, on clique sur les images, on court vite. Mais après, et qu'est-ce qu'il en reste? Et c'est pour ça qu'il y a la question, est-ce que l'Internet va élaborer ça? Mais je pense que non, parce que, ne serait-ce que les street art, mais on a besoin, on a envie même de prendre un livre, de le regarder tranquillement, de lire des articles à un moment donné, mais pas simplement. Je ne sais pas, on ne va pas continuer à lire sur Internet. Les gens vont lire les messages, mais comment lire 100 pages sur Internet? Alors ça veut dire qu'il y aurait plus de livres. Là, hier même, je lisais un article sur Le Monde, je crois, et il disait qu'en Amérique, contrairement ici, oui, il y avait quelqu'un de Citre qui a développé ici des tablettes pour faire la lecture. Et là, ils disent qu'en France, il y a 5% de gens qui lisent avec les tablettes. Et par contre, en Amérique, il y en a 25%. Par contre, ils disaient qu'en Amérique, s'il y a 25% de gens qui font de la lecture par la tablette, n'a pas diminué le nombre de lecteurs de livres. Un petit peu, mais ça reste toujours aussi important. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous allez dans les kiosques, moi je ne vais pas souvent, mais quand je prends un train, mais il y a plein de revues qui sortent. Le 21e siècle, par exemple, là ce matin j'ai vu encore une nouvelle revue, il y a plein de petites revues, Mais qui? Les revues, mais pas la presse. Oui, mais les revues, ça fait partie de la presse aussi. Oui, mais les kiosques, ils ferment tous. Non, c'est des oui. Hécatombes des kiosques, quand même. Oui. Là, je parlais des kiosques de gare, mais qui ne ferment pas de l'ensemble. Mais il y a quand même beaucoup de revues qui se publient, des nouvelles revues. Oui. Ce qui se passe, par contre, vous savez, c'est que les revues, maintenant, elles ressemblent un peu à des pages d'ordinateur, parce qu'il y a beaucoup de photos, des choses comme ça. Donc, il y a une influence qui se fait, parce que on peut facilement mettre des photos, on peut mettre des images, on peut s'amuser avec le graphisme, et donc du coup, il y a un va-et-vient. Mais je n'opposerai pas l'un à l'autre, et c'est la même histoire entre Alternative Libertaire et des revues radicales. Facebook, pourquoi pas, si tu veux, ça peut représenter. Mais, voilà, et après, c'est à nous de faire attention à que si on veut approfondir des questions, si on veut mobiliser la pensée collective, ben, il faut en passer par des revues. Et d'autant plus qu'il y a des choses apparentes qui se passent. L'autre jour, il est venu quelqu'un au CEDRA, donc le centre où je travaille, c'est un militant d'extrême gauche, un peu comme ça, qui est venu me parler il fait des petites chroniques pour la rue 89. Il m'a dit, voilà, je viens te parler d'un truc. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'intéresse à la rue 89, je fais une rubrique qui veut parler de toutes les initiatives alternatives. Voilà. J'ai dit, oui, très bien, oui, on est deux comme on fait, et je le fais avec je ne sais pas quoi, c'est une dame. Je dis, mais c'est qui cette dame? Il m'a dit, je ne la connais pas. Ils font un travail ensemble sur Internet, et ils ne connaissent pas la personne avec qui ils veulent la rubrique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour ou l'autre, on doit retrouver l'humanité, c'est ça le principal. Mais sinon, après, on peut dire n'importe quoi. C'est ça le problème. C'est mon préoccupation, c'est que si on ne retrouve pas les gens, si sur l'histoire de Facebook, si chacun peut dire ce qu'il pense parce qu'il a mal au ventre, sans se confronter, il faut qu'on fasse attention, c'est tout. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Non, mais c'est vrai qu'on peut aussi définir la presse alternative comme n'étant pas, ne faisant pas partie d'une certaine presse qui censure, qui appartient au grand capital et qui fait passer de la pensée unique ou qui cherche à divertir pour oublier nos conditions misérables d'existence. Et pour ça, Internet, les blogs, Facebook, justement, c'est des gens qui, malgré le fait que la société Facebook appartienne à un multimilliardaire américain, c'est quand même des gens qui échappent à ce système de censure par Hachette et autres d'assaut ou marchands de canons. Pour ça, il y a la surveillance. Si j'ouvre un journal ou un livre, je ne suis pas surveillé. Ouais. C'est le prix. Il faut aussi tenir compte du fait, enfin, c'est le cas aussi rare, il y a à peu près 30% de gens, parmi les audiences, qui ne sont soit pas à l'aise avec l'informatique, soit carrément réfractaires à l'informatique, donc à Internet. Donc on envoie du courrier papier. Ça marche très bien comme ça. La plupart des associations maintenant ne font plus de courrier. Ils sont sur Internet, point barre. Ça a un bon problème. Je vais aborder une autre question. Est-ce que dans votre colloque, vous avez évoqué le problème justement du public à qui s'adresse la presse alternative, c'est-à-dire le fait que bon, la plupart des revues alternatives voudraient bien avoir un public complètement diversifié et un peu qui touche tout le monde, et en fait se rend compte que justement, comme tu l'as dit, chacun a son petit réservoir de lecteurs et n'arrive pas à sortir, à s'étendre. Je crois que c'est un des principaux problèmes de la presse alternative, c'est qu'elle n'arrive pas à s'étendre au-delà d'une audience, disons, acquise, ça. Et comme si justement le fait même d'être alternatif était rebutant pour le grand public. Est-ce que ce serait plutôt comme une défiance, quoi? Si c'est alternatif, on se méfie, on va pas. Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas justement un côté contre-productif du fait d'être alternatif. Ce qui est vraiment... Non, du coup, il y a ces débats qui se font effectivement, mais du coup, je pense que est-ce qu'un journal tiré à 1 million d'exemplaires peut présenter la diversité de la pensée? Dans d'autres termes, je dirais que la presse alternative ou en fait, selon moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cultive la spécificité, elle cultive la différence. Et la différence, elle reste toujours effectivement limitée. Et on ne peut pas. L'idéal, ce serait que dans chaque quartier, il y a un petit journal. Vouloir faire un journal pour toute la France, par exemple. Je pense que ça pose le problème. On ne peut pas parler de la diversité des choses qui se passent à Marseille, à Lyon, à Grenoble, etc. Donc, le fait de s'adresser à un public le plus large possible, mais restreint, pour moi, c'est presque une garantie de qualité. Parce que sinon, on va tomber dans le besoin de s'adresser à un public qui n'a plus d'une spécificité. Le public lui-même est spécifique. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, par exemple. Je trouve que c'est très important qu'il y ait de la presse qui relate des expériences qui se passent ailleurs. Par exemple, le fait de savoir comment les artistes s'organisent, comment ils tiennent depuis 1994, etc. Et eux le présentent d'ailleurs comme ça dans leur discussion, dans ce qu'ils communiquent. C'est une source d'inspiration ou au moins une source de reprendre un peu d'espoir pour se dire chez nous nos problèmes sont différents, nos structures sont différentes, etc. Mais on peut aussi décider localement de prendre les choses en main. Donc on n'est pas obligé d'avoir des presses qui chaque fois s'adressent au quartier, une presse peut être alternative et avoir pour visée de s'adresser à beaucoup plus large que les gens qui sont dans l'immédiate vicinité. Oui, mais pour faire une revue, par exemple, là il y a un débat, par exemple, entre le silence et la décroissance. Silence, c'est des trucs pratiques, c'est même pas, c'est pas simplement théorique, il y a les deux aspects. Silence, c'est une revue qui est publiée depuis 30 ans, elle a plus ou moins 4000 abonnés, ce qui n'est pas négligeable pour une presse. Et donc, en sachant que chaque numéro il peut être lu par 3 à 4 personnes, ça fait 10 000, je ne sais pas, peut-être un peu plus de personnes. Et silence choisi d'une manière choisie de ne pas être diffusé en kiosque. Parce que, en sachant que le fait de ne pas être diffusé en kiosque, très probablement est pénalisé par rapport au nombre de lecteurs possibles et lectrices. La décroissance, qui est un journal écologiste aussi, sur le thème de la décroissance est plus radical, elle a choisi d'être un kiosque. Et du coup, même s'ils sont peut-être de même abonnés ou un peu moins, ils sont fait des tirages de 20 000 exemplaires. Sauf qu'ils n'en vendaient pas 20 000 exemplaires. Et quand ils en vendaient 10 000 exemplaires, les autres 10 000 exemplaires, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette. Et ces 10 000 exemplaires, c'est pas mal. Non, mais ça pose des problèmes concrets aussi de ça. C'est-à-dire que la presse, bon, effectivement, si on parle d'Internet, c'est un autre problème encore que l'utilisation de l'électricité, des produits, etc. Bon, on ne va pas s'intéresser à ça. Là. Mais il y a deux choses. Une, que vouloir faire une presse qui est par exemple un tirage national, mais même des revues libertaires, Courant Alternatif, Le Monde Libertaire, essayent d'être dans les kiosques. Non, sauf Courant Alternatif termine l'édition. Ils ont essayé. Mais ça ne marchait plus, ça ne marchait pas. Parce que tu as tellement de papier que tu vas jeter que ça pose un problème. Là, j'ai pris exprès l'exemple de la décroissance et silence. Des journaux qui ont une visée écologique, si tu as détruit tous les mois 10 000 exemplaires de nos revues, c'est énorme. Oui, mais ça, c'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs, donc il n'y a pas assez de lecteurs potentiels. Tu vois, on revient, enfin, moi, il me semble que c'est ça le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui sont prêts à ouvrir des choses alternatives. Or, l'alternative, elle n'est pas, comment dire, son intention, c'est pas de rester alternative. Silence, son intention, c'est pas de qu'il y ait juste quelques petites personnes qui s'amusent entre elles à faire des expériences. C'est pas ça son but. Son but, c'est que ça se répande, c'est que ce message se répande et qu'il soit adopté par d'autres, etc. Donc, si, tu vois, il y a un cercle infernal comme ça où on a envie de se faire connaître, de faire connaître des choses alternatives, justement, pour qu'elles restent moins microscopiques et moins confidentielles, donc moins alternatives, si tu veux. Enfin bon. Et donc, il faut arriver au moins à se faire entendre par des gens qui n'ont pas encore entendu ce message-là. Et ça, on n'arrive pas, tu vois, il y a une barrière qu'on n'arrive pas à franchir. Donc, alors, évidemment, le problème du gaspillage, il est dû au fait que ce n'est pas acheté. Oui. Moi, je pense ici, le franchissement de milieu des militants, ça se passe par des intermédiaires. Et par la longévité du projet. Ouais. On en a déjà parlé juste tout à l'heure, que quelqu'un, un journaliste du Monde, dans son blog, conseille ou parle souvent sur les livres qui sont parus dans la CL. C'est un peu chez nous, grâce aux Révolutions, un journal de l'anarchisme non violent dans la langue allemande, c'est à cause de longévité, 40 ans, plus que 40 ans, il y avait un milieu et les gens, ils sont un peu partis de ce milieu dans leur itinéraire. Bon, souvent, il y a aussi des cas qui sont allés au pouvoir ou ont tenté de rentrer en pouvoir. Mais il y avait des intermédiaires, notamment dans le niveau journalistique, des médias parfois, qui restent, qui ont conscience que ça c'était une phase formateur de leur vie. Et par exemple, on était surpris parfois dans des grands journaux, dans des médias, qui avaient des sources, des gens, des journalistes qui sont maintenant, leur envie, entrés dans une vie journalistique professionnelle, qui ont un peu repris des informations qui sont tenues de ce journal. Et avec ces intermédiaires, on a une certaine réputation même. Restant un projet collectif alternatif, mais à cause de longévité, de stabilité et aussi de sérieuxité des informations, que des journalistes s'appuient sur quelques articles, quelques recherches qu'on a publiées. Et avec ça, on a franchi le milieu. Restant dans le milieu militant, mais en même temps, on pourrait sortir de ça. Si je le permets. En fait, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est, quelle est l'alternative sociale, qu'est-ce que c'est que, quelle est la société alternative. Si la société alternative, c'est que tout le monde est anarchiste, pour moi, ce n'est pas une alternative. Si tout le monde est anarchiste. Ce que je veux dire par là, si tout le monde doit faire la même chose, ce n'est pas l'alternative. Le monde, l'alternative, pour moi, la société alternative, c'est la diversité liée à des valeurs. Effectivement, des valeurs de partage, de démocratie participative, horizontale, etc. Mais ce n'est pas tout le monde doit lire le même journal, pas tout le monde doit penser ou agir et s'habiller de la même manière. Et la question c'est de comment transmettre ces informations. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de la presse alternative, c'est que, par exemple, si la presse écologiste, bon, les anarchistes, ils sont plus anciens, pour l'instant, ils se reproduisent un peu entre eux, il y a un milieu libertaire, constant, plus ou moins de temps à autre qu'on voit des drapeaux noirs un peu plus dans les manifestations, etc. Mais il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Mais si on prend l'écologie, ce qui est intéressant, c'est que il y a des journaux qui ont commencé plus ou moins petits, bon, la Colbert par exemple, qui était publié à quelques milliers d'exemplaires au début. Après, il est passé aussi un kiosque, il s'est arrêté. Mais des journaux comme La Gourmette, comme Silence, comme d'autres petites revues locales qui se sont intéressées à un jardin, qui se sont intéressées, ont contribué à créer un mouvement. C'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui, s'il existe la préoccupation écologiste et la tentative de créer des alternatives, c'est parce que depuis des années, plusieurs dizaines d'années, cette presse-là, elle a mis sur la place publique ces débats. Ces débats liés à des pratiques, à des mouvements. Et ça a créé les conditions pour que aujourd'hui la problématique de l'écologie, on a la ministre de l'écologie aujourd'hui. Ce que je veux dire par là. Oui, ça dit tout. Oui, mais ah oui. Mais c'est. Mais non. Oui, non, mais c'est. Il y a vraiment à Grenoble, là. T'as vu ce que nous ont envoyé les camarades du CRAS, hein. T'as vu le salopard que c'est. Je ne sais pas si c'est un salopard observe, sauf que l'écologie, moi, ça me paraît une préoccupation importante. Et cette préoccupation-là, elle. Mais ce n'est pas simplement, par exemple, l'écologie. Si on prend la prison, par exemple. Sur la prison, il y a eu plein de petites revues ou petits bulletins qui se sont intéressés à la prison dès qu'on y a passé une heure, on s'en souvient. Hein. Ça, et il y a eu, par exemple, sur comment faire en sorte de trouver des alternatives à la prison. Ce sont des petites revues, c'est des petits articles, mais qui ont lancé ces idées, pas forcément dans le grand public, mais parmi les militants, parmi les gens qui agissent. Et c'est eux qui vont devenir la caisse de résonance. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un million de publier un million de revues pour que l'idée, elle va se... Elle germe. Elle germe. Il suffit parfois des petites activités. C'est sûr que l'idée, c'est de les faire connaître. Mais la publication de fanzines, de petites revues, et après des articles qui sortent sur les grandes presses, des livres, des bibliothèques, etc., font que cette pensée alternative, elle se multiplie. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'une revue qui est tirée à 100 000 exemplaires, comme ce qu'on a besoin de y avoir dans les villes, c'est des bibliothèques comme celle-ci, des revues. Lui, il a écrit un article sur Grassroots Révolution. Ça fait combien d'années qu'il existe? Plus de 40. 40 ans. Ça veut dire que depuis 40 ans, on sait qu'on peut trouver cette revue. Depuis 40 ans, il y a un milieu de... Il y a 1400 abonnés, mais c'est un milieu qui existe, qui maintient vivant ces idées et qui les développe. Malheureusement, ce n'est pas si elle est tirée à 10 000, 100 000 exemplaires, 300 000 exemplaires, je ne sais pas si c'est le tirage qui compte, c'est la possibilité que ces idées puissent être reprises par les gens. Je vais prendre un autre exemple maintenant. L'exemple, c'est prenons l'Espagne. L'Espagne, les journaux anarchistes espagnols, ils tiraient à 100 000 exemplaires, 200 000 exemplaires, et 36, je parle de 7 millions, même pas de 1 million. Est-ce que pour autant, les lecteurs, le milieu anarchiste, je vais dire un peu un truc qui connaît, parce que c'était vraiment des anarchistes. Est-ce que le fonctionnement de l'anarchisme en Espagne à cette période-là, c'était pas un truc un peu vertical? Parce qu'il y avait les chefs, il y avait les autres qui lisaient leur petit journal. Ce que je veux dire par là, c'est que l'important, c'est. ce n'est pas tellement que le journal de la santé arrive partout. L'important, c'est que les gens puissent développer la conscience, puissent développer les idées. Et ça, ça se fait avec le temps. Ça se fait, si on prend la revue Réflexion, la revue Réflexion, il y a combien de lecteurs? 300-400? Non, plus. 500? 600? Non. Mais sauf que c'est 600 personnes qui contribuent à une pensée, qui contribuent à... Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à une revue comme celle-ci, il n'y a pas la possibilité d'avoir plus de mots. On la retrouve dans plein de librairies. Mais pourquoi il n'y a pas plus de lecteurs? Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas la trouver. Là, par exemple, nous dans l'atelier de création universitaire, ce livre-là, on prend ce livre-là, on l'a publié, on en a tiré 400 exemplaires, un premier tirage, on s'est dit, on ne va pas le vendre, qui va s'intéresser, etc. On a un site internet, on a des visites, etc. De temps en temps, on reçoit des commandes de librairies. On s'étonne que des librairies s'intéressent. Donc, ça, ah, bien, ça existe encore. Ça existe encore. Mais ça veut dire que je ne pourrais pas, je ne pense pas qu'un livre comme celui-ci puisse se vendre à Carrefour. On peut le mettre à Carrefour, mais il y aura une personne qui l'achète. Mais parce que les gens ne sont pas intéressés. Ça, ce qui sera pas cher. Mais même si tu le vends à 3 euros, ce n'est pas parce que tu le vends à 3 euros que les gens l'achètent. Ils le lisent. Ça, c'est un autre problème. À moins de faire une sacrée. Effectivement, c'est un problème. Mais même si on fait la publicité, moi, je crois que c'est... Le problème, c'est que, malheureusement, les personnes, les gens, pour ne pas dire les gens, ne sont pas intéressés à ce... À prendre beaucoup de temps pour, je ne sais pas, 5 heures, 6 heures pour lire un livre. Par contre, il y a peut-être 300-400 personnes qui vont le faire. Mais c'est ça la réalité. Ce n'est pas. La réalité pour moi, c'est qu'il y a. J'ai dit la décroissance. La décroissance est voulue aller en cause. Tu vas même te dire, mais parce qu'il n'y a pas d'électeur. Mais oui, il n'y a pas d'électeur. Mais tu vois, donc, du coup, on se pose la question dans les revues, est-ce que c'est parce qu'on n'écrit pas de manière à intéresser d'autres, plus de gens, tu vois? Par exemple, tu as parlé tout à l'heure de la langue de bois. Oui. Chaque revue a un peu, peut-être pas sa langue de bois, mais sa spécificité, ses références, etc., son langage, que les gens habitués comprennent tout de suite. Et peut-être, on se dit, peut-être qu'il faudrait écrire autrement pour toucher plus de monde. Et peut-être que c'est une fausse piste. Je veux dire, peut-être aussi, ça ne sert à rien d'essayer de parler autrement. Je ne sais pas, c'est pour ça que je demandais s'il y avait eu des échanges avec toi. Et bien, moi, c'est pas que ça ne sert à rien. Tous les efforts, prenons l'exemple concret du silence. Silence essaie de faire des articles courts de 4-5 000 pages, des 4-5 000 signes. Donc deux pages à peu près, pour essayer de ne pas savoir des trucs théoriques. Très terrible, parce que ça. Bon. Le lectorat de silence, que j'ai analysé dans des enquêtes, mais il est stable. Ce sont des personnes engagées, qui vont des anarchistes, des catholiques progressistes, des non-violents, etc. Mais c'est un public. Stable. Bon, c'est dur à le dire, mais les gens, nos voisins, ne sont pas forcément intéressés à savoir comment produire son savon, comment faire une communauté, et comment vivre dans une maison différente. C'est des choses qui vont prendre pied avec le temps. C'est des choses qui ne peuvent pas être acquises immédiatement. Et le rôle de ces revues, de cette presse, est surtout celui, un, de maintenir toujours une contre-information et de proposer des idées. Même s'il y a 1000 personnes, 500 personnes qui vont, ils vont pouvoir s'en saisir, ils vont la répercuter, mais c'est c'est de là qu'il peut sortir quelque chose, parce qu'une société alternative ne peut pas se baser sur, par exemple, une imposition. On ne peut pas imposer aux gens d'être alternatifs. C'est un choix de vivre. Ah bah oui, non, mais ça c'est là, je vis dans un immeuble de coopérateurs. On essaie d'avoir le compost, les poubelles différentes. Et bah, même parmi les gens très s'engager, etc., on ne fait pas attention de la même manière aux choses. Comment avoir une conscience sociale au niveau de la politique, au niveau du quotidien, etc. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas trouvé le système. Ce que je vois dans la presse alternative, c'est que le fait qu'elle s'adresse à un public avec lequel elle peut correspondre, elle peut parler, et là, il y a un véritable échange, il y a un socle dur qui perdure et qui se développe par moments, qui peut trouver le terreau pour que d'autres choses se développent. Mais ça ne peut pas devenir quelque chose de masse. La culture alternative ne peut pas être une culture de masse. Elle sera toujours une culture de gens engagés. Après, c'est le plus important. Il y a quand même une sorte de contradiction, parce que tu vois, la presse alternative, souvent, elle essaie aussi de promouvoir une alternative au système dominant. Et justement, parce que le système dominant empêche toute alternative de se développer vraiment. Et donc, c'est en raison de ça, quand tu dis c'est la multiplicité, mais la multiplicité, elle ne peut pas s'installer à l'heure actuelle. Et je veux dire, il y a une multiplicité économique qui ne peut pas s'installer, une multiplicité politique ne peut pas s'installer. Oui, tu peux faire de la multiplicité dans des choses anodines qui ne dérangent pas les pouvoirs, mais si tu veux faire une alternative au pouvoir dominante, c'est pas possible pour le moment. Donc l'idée, ça serait... Enfin, il me semble que, tu vois, la presse alternative, elle est bien souvent aussi engagée donc, contre la domination d'une seule économie ou la domination d'un seul pouvoir politique, etc. Et donc, à ce moment-là, elle n'a pas seulement comme but de vivre comme alternative, elle a comme but qu'à un moment, les choses se renversent, quoi, non ? Et donc, à ce moment-là, elle ne peut pas dire « je suis contente avec mon petit public fidèle de 5000 personnes ». Ça n'est jamais assez, tu vois ? Moi, il me semble, hein, enfin, je veux dire que par rapport au but qui est quand même le changement social, on ne peut pas être content avec 5000 personnes. Oui, mais sauf que c'est là, moi, ma critique des anarchistes, au-delà de ceux qui pensent que le monde... Moi, je ne parle pas seulement des anarchistes. Non, mais je parle des anarchistes ou de tous ceux qui disent, voilà, l'objectif, c'est de renverser tout. Pour moi, ce que je vois, moi, dans les alternatives sociales, c'est que il y a des alternatives sociales, y compris d'un point de vue économique, petites, certes, diverses, qui ne représentent pas l'ensemble de la société, nulle part, mais qu'elles sont présentes. Là, on parle de la presse, mais il y a des coopératives, il y a un fonctionnement d'activités liées au bénévolat, sans lesquelles presque aucune société pourrait vivre. Et ça représente des alternatives déjà aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y en a qui attendent, qui disent, ou, par exemple, les révolutionnaires, on va parler des anarchistes, comme ça on emploie pour tout le monde, ils sont faits, la critique qu'ils faisaient des révolutionnaires qui venaient du passé, comme ça, qui avaient une mission idéologique du monde. Quand les alternatives ont commencé à se montrer après 68, avec des choses pratiques, à faire des communautés, à faire des revues, à faire des maisons d'édition, à faire des choses. Ces révolutionnaires, que j'appelle classiques, et ils ont dit, bah oui, mais là, c'est rien du tout, avec ça, vous allez rien changer, sinon que vous allez vous faire plaisir. La seule solution, c'est de renverser le système, et quand on va renverser le système, tout ira bien. Ce discours-là, effectivement, c'est une vision du monde que moi je ne partage pas du tout, parce que toutes les fois qu'on a essayé d'arriver à cette solution-là, les fameuses révolutions russes, mais y compris en Espagne et ailleurs, on s'est trouvé face à quoi ? À que on a essayé, on a plus ou moins imposé, surtout à l'Union soviétique, un modèle, et ce modèle-là, il allait contre toute vision de l'alternative et plurielle du monde. Et en Espagne, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé pendant la période de la Révolution. C'est pas le même problème. L'alternative écologique. Voilà. Elle se répand. Mais sauf que entre le fait qu'on n'est pas dans le. On n'a pas. Pourquoi ne se répand pas plus ? Parce qu'effectivement, il y a des intérêts économiques et parce qu'il n'y a pas une conscience écologique. Mais déjà, il n'y a pas une écologie, il y a des écologies. Parce que entre le type qui te vend une centrale nucléaire parce qu'il te dit c'est une énergie décarbonée, celui qui veut monter dans sa bagnole électrique et le babacouille tranquille dans sa yourte qui fait pousser ses légumes, il y a un monde. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une écologie, il y a des écologies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les utopies, elles sont nombreuses. On est tous. Et c'est cette variété qu'il faut accepter. Donc, moi, je pense qu'un journal alternatif qui tire à des millions d'exemplaires et qui convainc tout le monde, c'est pas possible parce que tu vas mettre un homosexuel avec un musulman ensemble et tu leur dis, bon, vous êtes des minorités, il va falloir vous entendre, les gars. Alors, quand les uns comparent les pratiques des autres, ils se disent, ben, on peut pas s'entendre, c'est pas possible. Et en même temps, ils sont contre le cato capitaliste bourgeois dans sa société occidentale. Et ce qu'il faut qu'on admette, à mon avis, c'est la pluralité de ces utopies ou de ces opinions, de ces minorités, etc. D'où l'intérêt de ces voix différentes, comme un petit journal qui représente un petit nombre de lecteurs, qui, aggloméré dans un tout, peut plus ou moins combattre le système ou laisser entendre qu'il y a des alternatives, mais il ne faut pas, je pense que c'est vraiment une erreur de dire qu'il y a une alternative. Annick n'a jamais dit ça. C'est quand même incroyable. On n'est pas du tout en train de dire qu'il y a un modèle qui gagne ce qui a été dit, c'est pas ça. C'était beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus fondamental. C'est on a chacun notre petit machin, notre fanzine qui parle à notre homme voisin, notre journal qui parle à notre 300 lecteurs ou à notre 4000 lecteurs, et le nombre n'a aucune importance. Ces gens-là sont déjà acquis. Dans la mesure où ils sont déjà acquis, bien sûr que c'est important de se faire plaisir. Personne ne lit. Enfin, les gens le disent, moi je ne lis pas. C'est important de se faire plaisir en approfondissant les idées, en échangeant les idées, en réfléchissant ensemble, en collectivisant les débats. Tout ça est très important. Mais la question c'était, il y a aussi un autre désir qui est de parler à des gens qui d'habitude n'entendent pas ça, et c'est pas pour imposer un modèle. Personne n'a parlé de ça, je ne pense pas que ce soit l'idée d'Annick d'imposer un modèle. L'idée c'est comment faire pour aussi ces idées qui sont intéressantes et qui émergent de tout ce mouvement collectif, de toute cette réflexion collective, comment faire pour aussi les diffuser auprès de gens qui simplement n'y ont d'habitude pas accès parce qu'ils ne sont pas dans ces cercles, en fait. C'est des cercles au sens propre fermés avec toute la qualité qu'on peut trouver à l'intérieur d'un cercle fermé, mais avec une limitation qui est fermée. Donc, est-ce qu'il faudrait changer le langage ? Est-ce qu'il faut. Alors, évidemment, l'idée n'est pas de tirer un million d'exemplaires, ça peut être. Ces cercles sont différents, mais comment faire pour que les idées diffusent au-delà de leur cercle ? Voilà, c'est ça. Moi, je vois. L'Alcazar, la bibliothèque de l'Alcazar, il y a tout. Vous trouvez Bakounine, Debord, Marx, etc. Il n'y a pas de revue. Ah oui, il y a les revues. Désolé, il y a les revues. Ah oui, il y a les revues des journaux. Désolé, il y a plusieurs revues. Et les revues des journaux. Moi, j'ai posé la question à le personnel, un peu du groupe décédé, etc., qui discute. Mais, c'est pas le grand public qui va vers ce type de revue ou de bouquin. Pas du tout. Il y a un rayon anarchisme, il y a écrit, il y a un rayon marxisme, communisme, etc. Et ils vont pas. La quasi-majorité des gens ne vont pas. Qui c'est qui va ? C'est des gens qui sont engagés, c'est tout. Et voilà. Ouais. Non, mais la question qui est posée, pour faire évoluer la réflexion. Voilà, non, mais justement, la question qui est posée, moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui. Quand on a 500 lecteurs, c'est comment faire pour en avoir 550 C'est ça. Parce que, je veux dire, par rapport à l'environnement médiatique, au bruit de fond, je veux dire, les 500 lecteurs, c'est rien du tout. Ouais. Voilà, donc c'est ça le problème. Moi, je donne un exemple. Hein. Je m'occupais pendant longtemps du ciné-club et je présentais comme ça. Un jour, j'étais dans la cité de Frévalon, un soir, et je présentais un film sur les grands travaux de Marseille qui allait foutre dehors. C'était au moment où on faisait le grand canal, etc. Bon, je présentais tout ça. Et puis bon, pendant que le film passait, comme moi je l'avais déjà vu 10 fois, j'étais dehors. Et puis, j'ai vu la cité de Frévalon, il y avait toutes les lumières éclairées, etc. Partout, il y avait TF1 qui marchait, TF1 qui marchait. Et moi, dans ma salle, j'avais 20 types. Et là, tu te dis, mais est-ce que quelque part, c'est pas ridicule? Alors, évidemment, il fallait le faire, ça. Mais quelque part, tu es obligé de t'interroger, de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour que j'en ai pas 20, mais que j'en ai 25 ou que j'en ai 30? C'est le problème des revues. Comment faire si j'ai 5000 lecteurs, oui, je suis content, on se fait plaisir, on est content, on a milité, etc. Mais comment faire pour qu'on arrive à passer ça? Et on est dans un environnement qui broie tout. Je veux dire, là, alors, par rapport aux grands journaux, etc., les gens, ils lisent Le Monde. Alors, Le Monde, c'est devenu une saloperie depuis une dizaine d'années. Et ça continue à être le journal de référence des Français. Je veux dire, en fait, c'est quand même extraordinaire, ça. Alors, moi, je crois... J'ai bien compris la question. Et je pense pas que je ne voudrais pas qu'on se mette en fond, mes enfants. C'est une question de moi j'ai essayé de réfléchir à ça avec des copains et des copines dans les débats qu'on a eus sur certains. Et je crois que tous les journaux, même les petits journaux, veulent avoir plus de lecteurs et de lectrices. C'est sûr, c'est évident. Sauf que je crois qu'il y a un problème de fond là-dedans, et j'essayais de le dire, c'est que peut-être les voix, ou là, les voix, pour qu'on maintienne vivante une idée d'alternative sociale plurielle, c'est de rester sur des structures, on peut les appeler petites si vous voulez, mais qui sont maîtrisables par ceux qui les font et par ceux qui les lisent. Et ça c'est essentiel, mais c'est à la fois pour la culture, pour l'économie, pour les rapports humains, pour la gestion d'une ville, etc. C'est ça le vrai problème pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui serait une société alternative, ça serait ce sens-là. C'est que tout en envisageant qu'on ne doit pas simplement penser à notre petit groupe pour se faire plaisir, les revues qui se font, les revues militantes, écologistes, libertaires, féministes, je ne sais pas, de tout. C'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est parce qu'on a envie de faire passer des messages. Et ces messages, on aimerait qu'ils soient entendus le plus largement possible. Sauf qu'il y a des voix différentes. Soit on maintient cette voix de pluralisme, pluralité, de point de vue, des messages qui tiennent compte de ces réalité particulière, soit on essaie de faire, comme il y a eu des tentatives de faire des revues qui s'adressent à tout le monde. Et quand on fait ça, on perd un peu l'âme. On perd de la profondeur. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire. Je dis on, tout le monde. Parce que c'est difficile vouloir... C'est pas difficile, c'est... Le message que j'essaie de faire passer, c'est pas parce qu'on parle simplement que les gens vont écouter. C'est qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. C'est sûr qu'on ne vit pas dans une société écologiste et écologique. Néanmoins, il y a l'intérêt plus ou moins d'intérêt. Lorsqu'il y a 30 ans, je ramassais du papier et l'amenais à la maison de l'écologie à Lyon, les gens le prenaient pour des fous. Maintenant, il y a des lignes qui mettent des bouteilles d'amétrique, on fait attention. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment accélérer le mouvement? Et est-ce qu'on peut accélérer le mouvement? Personne n'a trouvé de ça. C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, ce n'est pas parce qu'on écrit mieux. Si les revues et le dû, ça c'est intéressant par exemple. Ce serait intéressant de savoir pourquoi les revues durent. Alors, une revue comme Silence, elle dure. Je vais prendre deux exemples. Tiens, voilà. Le Monde Libertaire, ça fait de 50 ans en plus maintenant depuis la Libération qui vient. Pourquoi il dure un journal comme ça? Parce qu'il y a un militantisme, une organisation derrière, et il y a une auto-reproduction. Oui, puis l'objectif n'a pas été atteint aussi. Oui, l'objectif n'a pas été atteint. Ok. Mais donc il y a encore l'espoir d'arriver à faire la révolution, etc. Mais c'est surtout, il arrive à vivre parce que derrière, il y a des militants qui se donnent la peine, avec des intérêts différents, de le faire vivre. Mais, sauf que, voilà, ils vivotent. Il ne s'est pas vraiment développé. C'est toujours, je ne sais pas, c'est peut-être 1000 abonnés. Mais c'est une constante depuis des années. Il y a une autre revue comme Silence. Pourquoi elle dure et pourquoi elle a 4000 euros? Parce que il y a un socle d'écologistes qui se reconnaissent un peu dans cette démarche d'écologie sociale, pratique, non violente, indépendante, etc., qui existe parmi toutes les familles écologistes. Donc, la décroissance, pourquoi elle a eu du succès dans les kiosques pendant les premiers temps où elle est. Elle a été mise en cause parce que le monde des croissances, il y a une dizaine d'années, qui a commencé à se développer, et il y a eu un engouement là-dessus. Et maintenant, bon, on ne sait pas bien comment ça va se développer. Donc, la réalité, c'est ça, c'est qu'on vit dans une société où les personnes s'intéressent à telle et telle thématique. Parce qu'il y a une évolution des mœurs, des mentalités, parce qu'il y a des besoins, et c'est ça qui détermine le fait qu'il y a des lecteurs. Ce n'est pas parce qu'il est très joli. Même quand on essaie de faire un truc très joli ou bien écrit, ben, ce n'est pas parce que c'est pour cette raison. Je veux dire, là, voilà, ça, c'est un joli livre. C'est un joli livre. Mais ce n'est pas pour ça que ça va intéresser les gens. Et ce n'est pas parce qu'on essaye de corriger toutes les fautes que ça va marcher. Non, le monde, il est tellement. Les sociétés, il y a tellement d'intérêts différents. Il faut. Moi, je suis pessimiste, complètement pessimiste sur toutes ces questions. Sauf que quand je vois la quantité de revues, quand je vois les débats qui existent, je me dis qu'il y a ces espaces. Et je pense qu'à nous tous, l'important, c'est que ces espaces, on les maintienne vivantes, qu'on y exprime de la critique sociale, que ça veut dire une critique vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est la seule garantie pour maintenir cette culture alternative, émancipatrice, pleine d'utopie, saine, capable de perdurer. Sinon, on va se scléroser, sinon on va essayer. Et si, vraiment, l'exemple encore de l'écologie. Les écologistes, ils sont. Tu as raison, il y a beaucoup d'âmes d'écologie différentes, environnementalistes, écologie radicale, écologie libertaire, écologie. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement écologiste? Dernièrement, beaucoup de personnes se sont engouffrées dans le mouvement, et ils se sont engouffrées dans le mouvement surtout pour avoir des places dans les mairies, dans les régions, etc. Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que le message qu'ils essaient de faire passer, c'est de dire simplifions l'écologie à un truc, donnez-nous le, la possibilité. Parlons-nous d'écologie aux gens, mais d'une manière que ça ne leur fasse pas peur, et pour qu'on ait des voix. Non, mais ça, c'est un courant écologiste qui a fait ce choix-là. On ne peut pas dire que c'est l'écologie qui parle comme ça. C'est un courant écologiste qui est rentré dans... Le courant politique écologiste, oui, il s'exprime surtout comme ça. Voilà. Et, sauf qu'après, il y a effectivement des revues écologistes, comme Silence, mais comme la décroissance, il y en a d'autres, mais qui ont choisi d'autres chemins. Ce sont des chemins alternatifs, un peu plus compliqués, qui n'arrivent pas à toucher des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Mais peut-être, mais ça c'est une vraie question, peut-être il faut qu'on se résout à accepter ça comme condition de l'alternative sociale. Elle restera toujours minoritaire, mais y compris dans la façon de penser. On aimerait que ce soit différent, mais pour l'instant, je n'ai jamais pu constater autrement. Je voulais encore revenir à ce rapport de force que tu as montré avec, tu vois, à un côté, vraiment les journaux révolutionnaires, utopiques, et à l'autre côté. Pour moi, c'est le rapport de force est là. On n'est pas omnipotent, tu vois. Moi, il y a beaucoup de choses où je pense que ce n'est pas mon tâche, ce n'est pas à moi de le faire, ce sont les autres qui le font. Moi, par exemple, j'ai une conception de notre journal qui était dans un des bouts de cette relation de force sociale. C'est utopique, c'est même, moi j'affirme, c'est aussi une conception révolutionnaire, mais une conception de révolutionnaire qu'il faut entraîner aujourd'hui la manière de vivre qu'on veut appliquer dans la révolution. Il faut déjà l'entraîner. Quand on est entraîné, c'est la meilleure façon dans une révolution. Donc là, c'est la position révolutionnaire. Mais ce n'est pas mon tâche de me mettre omnipotent dans des autres parties de cette relation sociale qui pique seulement une partie de cette utopie ou des choses comme ça et essaye de le réaliser. Bon, il essaie de le réaliser au prix de la conception révolutionnaire. Peut-être ils sont un peu des parvenus. Mais pour ça, dans cette relation, notre courant existe encore, notre journal existe encore, pour faire le pic aussi à cette forme d'établissement et de choses comme ça. Et quand on voit dans l'ensemble de la société, qu'est-ce que ça va donner, où on ressent une influence ou un résultat de ça. Moi par exemple, je donne un exemple qui m'a frappé après Fukushima, pour rester là dans l'antinucléaire, écologiste, j'ai un peu comparé les émissions grandes publiques des médias de télé. Parce que bon, on voulait savoir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. On a regardé les télés, j'ai comparé les télés allemands et français. Il y a une chose qui m'est frappée, bon, dans le mouvement ouvrier, c'est l'inverse, là, il me frappe beaucoup, beaucoup plus de choses en France qu'en Allemagne, mais en Allemagne c'était comme ça, que directement après Fukushima, dans les grandes télés, il n'y avait aucun expert qui a expliqué les choses qui venaient des grandes entreprises nucléaires. Aucun. C'était tous en Allemagne. Plus intègre, plus sérieux, c'était les experts des petits associations, des petits instituts indépendants des grandes corporations. Et en France, si vous avez vu, vous avez notre expert Areva. On apprend après, c'est Areva, un expert de telle ou telle corporation. Différente, puisque l'Allemagne a renoncé à les... Oui, mais c'est aussi cet rapport de force dans la société. Oui. dont j'ai l'impression que, par exemple, au niveau de l'écologie, c'est un autre rapport de force qu'en France. On dit que, par exemple, dans le mouvement ouvrier, c'est l'inverse. Oui, il y a des choses à comparer. Mais ça m'a frappé qu'aucun expert qui était demandé dans des grandes télés ouvertes venait d'une corporation nucléaire. Donc ça, c'est établi que seulement les institutions, les experts indépendants ont une position valable sur des accidents comme ça. Et ça, c'est le résultat d'un rapport de force dont on joue un rôle, mais comment ça se passe et avec quel prix d'acceptation de d'autres parties de journal ou de pouvoir, c'est pas mon tâche, moi je veux dire. C'est pas mon tâche. Ils prennent quelque chose qui appartient de notre utopie, on reste dans l'utopie, ça va leur piquer parce qu'ils sont tout le temps obligés de réfléchir à c'est seulement une partie, on est dans le réformisme et des choses comme ça. Mais c'est pas mon tâche, c'est à eux de décider. Moi, je revois ce rapport de force comme ça. Une petite observation par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la diffusion importante d'une part, on a cité comme exemple au départ le Canard Enchaîné. Lorsqu'il a commencé, c'était un tout petit journal, un journal de militants. C'était pendant la guerre de 14, etc. Et après, ils se sont développés grâce à des plumes. C'était pas n'importe qui faisait un canard à l'époque. Maintenant, je trouve qu'il y a certains laissés aller avec tout un ancien idée qui en reprend le canard, la nouvelle génération. L'autre exemple, c'est celui de Choron et Cavana avec Karakiri. Là, c'est dans la provocation qu'ils ont réussi à franchir le cap du grand public. Et en devenant tête d'eau. Le mensuel est diffusé un peu confidentiellement. Il était vendu de Saint-Michel à la Crée, pour l'essentiel. Un peu en kiosque, mais c'est pas les grosses diffusions. Mais bon, c'est des chemins différents. Disons, ils ont réussi à passer le cap du grand public. Alors que au départ, finalement, le grand public n'était pas sensible à ça. Évidemment, il a regardé. Mais la forme quand même de la presse, ça compte beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais de décroissance. Je veux dire, c'est un journal qui est pratiquement illisible, ce machin. Je veux dire, voilà. Et je veux dire, ça m'intéresse, je l'achète et je me dis, chaque fois, je me dis, non, c'est un enfant que je l'achète, c'est pas possible. Je veux dire, d'abord, ça passe tout le temps à insulter les gens, à exclure, etc., etc. On lit pas un journal pour ça. Hein. Bon, ensuite, je veux dire, il y a des pavés, c'est écrit partout, je veux dire, la forme, ça y fait aussi beaucoup. Alors, surtout quand on prétend s'adresser à un grand public, quand même, je veux dire, à la limite, s'ils s'adressent qu'à une secte, ça va bien, mais ils prétendent ne pas être une secte, ils ont un comportement de secte. Alors, je vois pas comment, à mon avis, ils vont au suicide, ça peut pas continuer. On se fait plaisir, oui, on est exclus, ils y passent tout, je veux dire, tout le monde passe en revue, bon. Est-ce que c'est avec ça qu'on peut faire un mouvement d'idées, je crois pas. Là, silence aussi, hein, ils ont un petit côté amateur. Je connais moi ici, là, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant, moi je vais de temps en temps, et puis chaque fois que je l'achète, je me dis c'est quand même un peu creux, quoi. Mm-hmm. Je suis content, il y a l'agenda, trois trucs, quelques rubriques qui me plaisent, mais dans l'ensemble, les articles, tu vois que c'est écrit par la voisine, quoi. D'ailleurs, c'est sympa, mais ça... pas toujours, hein, mais dans l'ensemble, ça vole pas haut, quoi. On peut répéter qu'il n'y a pas un grand journal de l'alternative, mais il faut le faire. Il y a la capacité. Si on regarde des journaux militants anarchistes, je connais très bien, qui m'en garde souvent aussi ici, il y en a plein qui sont invisibles. Ils arrivent à tourner parce qu'il y a des abonnés qui sont abonnés par principe, mais qui ne lisent même pas, ils le posent dans un coin, et puis ils attendent le suivant, alors que moi, ça marche. Non, mais c'est bien la question de la forme que tu posais quand même. Hein. Comment élargir? Je crois que la forme, ça y fait beaucoup aussi. Je veux dire, d'abord, effectivement, le langage de l'emploi et tout ça. Mais il n'y a pas de méthode pour élargir. Il n'y a pas, c'est pour ça que j'ai cité le cas de l'Alcazar. Ils sont là demain. Ils n'y vont pas, il n'y a pas de méthode. En tout cas, merci.